Voici l'actualité sociale du mois. Visite médicale de reprise. La Chambre sociale de la Cour de cassation vient de réaffirmer sa position stricte selon laquelle seule la visite de reprise effectuée par le médecin du travail met fin à la suspension du contrat de travail. En conséquence, est nul pour avoir été prononcé en période de suspension du contrat de travail résultant d'un accident du travail, le licenciement pour inaptitude physique d'un salarié qui n'a pas bénéficié de la visite médicale de reprise.